Regarde-toi et regarde-moi. Tu mérites tellement mieux, je suis pas un dieu. Toi t'es de sang royal, tellement génial. Moi je suis si banal, je sais ce qu'il me reste à faire. Tout ça ne va pas te plaire, mais il n'y a rien d'autre à faire. Je pensais que tous les deux nous étions faits l'un pour l'autre, mais je dois maintenant l'avouer, on s'est trompé. Pourquoi s'obstiner? Faut me laisser tomber. Sans toi libéré, faut pas continuer. Non, non, nous ne sommes pas d'accord. Et ensemble, on se fait du tort. T'es une boule royale, moi rien qu'un roturé. Donc c'est une évidence, nous deux c'est terminé. Je suis désolé, je suis désolé. Je t'ai retenu, tu es trop bien pour moi et j'en suis convaincu. Notre relation part en poussière. Maintenant je vais m'en aller, te laisser seul est le mieux que je puisse faire. Mais pourquoi t'en aller? Je ne te comprends pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi, que t'as-t-on dit de moi? Qui t'a dit de faire ça? As-tu réfléchi? Je me moque de ce qu'on peut penser. Tu devrais aussi te sentir libéré. Sans toi libéré, non, faut pas continuer. Je veux continuer. Nous ne sommes pas d'accord et ensemble on se fait du tort. T'es une boule royale, moi rien qu'un roturé. Donc c'est une évidence, nous deux c'est terminé. Je suis désolé. Penses-tu que nous n'avons pas d'autre choix? Regarde cette photo, ne nous quittons pas, t'es parfait pour moi, tu vois. Je suis désolé, c'est terminé. Je suis désolé.